Ma sœur qui est encore enceinte et qui prend ça comme excuse pour rien foutre. Et ma cousine qui ne boit plus de lait parce qu'elle a vu un truc à la télé. Ma copine est encore jalouse et Christiane attend que ça ouvre. Les filles. Dépressif claque des doigts, il y a son ex qui revient en courant. Et l'autre qui me drague en soirée, je n'en peux plus, je suis fatigué. Bonus track.